Bonsoir Léa. Bonsoir. Alors, chers auditeurs, bonsoir, bienvenue dans Beauté Imaginée. Je m'appelle Alice, je suis passionnée par l'univers de la beauté et je travaille d'ailleurs dans les cosmétiques. Ici, dans mes podcasts, je vais m'intéresser au rapport qu'entretient mon invité avec la beauté et à sa façon d'imaginer la beauté du coup. Vous, de votre côté, vous allez pouvoir l'imaginer aussi. C'est là la force de l'audio. Et d'ailleurs, si ça vous dit d'être mon prochain invité, n'hésitez pas à me contacter. Donc, Léa, merci beaucoup d'être avec moi ce soir. Comment ça va? Ça va et toi? Ouais, très bien, très bien. Donc, tu sais, le J'ai rien thème à faire avait là, on été... m'entend bien. Hein. Comment? J'ai rien à faire là, on m'entend bien. Enfin, Là, depuis chez moi, ça va. ça me semble parfait, ouais. Ok, super. A priori, on a déjà des auditeurs. On est à 7 auditeurs là qui ont suivi... ont accepté notre rendez-vous. Et du coup, Super. tu l'as peut-être entendu la dernière fois, c'était Mathilde qui avait proposé le thème du jour, à savoir les problèmes de peau. Et nous, aujourd'hui, on va s'intéresser plus précisément aux peaux grasses comme type de peau précis qui peut poser problème. Donc j'espère que tu vas apprendre des astuces pour Ok, gérer d'éventuelles imperfections. super. Ouais, super, parfait. Alors, déjà pour commencer, dans Beauté Imaginée, j'aime bien faire un petit test un peu de type magazine féminin. Donc, Ah oui, j'ai vu ça la dernière fois, ça avait l'air super sympa. ouais, bah parfait. On va voir si ce que ça donne pour toi ce soir. On va rentrer direct dans le vif du sujet en identifiant Allez. ton type de peau déjà pour valider le fait qu'elle soit plutôt à tendance grasse. On avait déjà parlé, c'est a priori le cas, mais c'est le Ouais. moment de valider ça via la presse féminine. Donc ce soir, ça sera via le site moncornerb.com. Alors du coup, D'accord. première question, Léa, quel est l'aspect de ta peau au global? Tu la ressens comment, toi, ta peau? Bah plutôt grasse sur la zone T et D'accord. enfin ouais voilà, en règle générale c'est ça. Et sinon, j'ai une peau quand D'accord. même normale, pas trop réactive, pas trop sensible. D'accord. La zone T pour nos auditeurs, pour toi, qu'est-ce que c'est? Bah, du coup, c'est menton, nez et front, je D'accord, ouais, crois. parfait. Ouais, c'est ça. J'ai une petite intervention de Mathilde. Bonjour Merci Mathilde. beaucoup de faire ce live comme je l'avais demandé, enfin suggéré. Ah, très bien. Bah, j'espère Mathilde que tu apprendras des choses aussi. Alors, du coup, au toucher, ta peau, elle est plutôt douce, rêche, grasse. Plutôt grasse quand même. D'accord. Et tu Ouais. disais, mais surtout sur cette fameuse zone Ouais, c'est médiane, ça. zone T. Sur les joues, D'accord. ça va. Mais sinon, ouais, zone T, Elle est douce je sais sur pas. les joues. Ça va, j'ai des petites imperfections, mais ça va. C'est moins D'accord. pire qu'avant. Et d'accord, ouais, ça progresse. Ok, Ouais. super, c'est déjà un bon point. Ta peau, elle est confortable ou est-ce qu'elle peut tirailler par moment? Ça peut me tirer un petit peu le front quand je sors de la douche, mais sinon, non, ça va, c'est plutôt D'accord. confortable. Mais Justement, une ça fois que c'est je un mets de la point important de crème, c'est savoir bon, si quoi. c'est... D'accord. C'est vraiment quand tu sors de la douche, en tout cas, ça c'est un Ouais, point c'est ça. assez déterminant. Et est-ce que tu as, donc tu disais des imperfections, il demande aussi des points noirs. Non, je crois que ça, j'en ai pas trop. C'est plus de l'acné, moi, que j'ai. Je crois pas que j'ai trop de points noirs. Enfin, je dois en avoir un petit peu sur le nez, mais c'est pas excessif, je crois. D'accord. Et du coup, tes pores, ils seraient plutôt fins ou larges, au niveau du nez notamment? J'aurais dit quand même fin, mais je sais pas, je me regarde rarement, rarement le nez. Mais ouais, non, D'accord, oui. j'aurais dit quand même plutôt fin, mais bon. D'accord. Et Je sais t'as pas trop plutôt jugé ça. Ouais, c'est assez subjectif. Si ça te marque pas spécialement, c'est qu'ils sont plutôt fins, en effet. Et Ouais, tout ce qui est sûrement. brillance, est-ce que tu as l'ensemble du visage qui brille ou seulement la zone médiane? Bah, zone T et bizarrement les paupières un peu parfois. C'est un peu bizarre, D'accord. mais ouais. Ah ouais, d'accord. Sinon, joue, Ok. non, sinon ça va pas enfin, normal, quoi. Ok. Alors, verdict, ta-ta-ta, suspense. Alors. Eh bien, tu aurais la peau mixte, c'est-à-dire que tu as la Ah. zone T, donc la zone médiane, qui est grasse, plutôt, et les joues qui seraient donc soit normales, soit sèches. Ça, on pourra en reparler, mais de ce que tu as décrit, elle semble plutôt normale. La peau mixte, elle correspond à un grain de peau à tendance plutôt irrégulière, notamment sur cette zone médiane, un inconfort et des tiraillements parfois sur les joues, des imperfections et des points noirs localisés notamment sur la zone médiane toujours, et des pores plutôt dilatés en général, mais pour toi, tu as dit que ça correspondait plutôt à des pores assez fins. Et les brillances sont localisées sur la zone T pour tout ce qui est Ouais, voilà, peau c'est à ça. tendance mixte. Donc, ça Ok. répond plutôt à ce que tu as dit. Ouais, Alors, du coup, pas mal ce questionnaire. ça semble, ouais, ça semble plutôt cohérent, parfait. Et maintenant, on va s'intéresser à tes habitudes beauté pour tout ce qui est soin visage. Du coup, notre thème de ce soir sur beauté imaginée. Quelle est ta routine beauté, Léa, toi, pour prendre soin de ta peau? Alors, je mets pas énormément de produits, mais je me lave le visage avec un savon, je crois, à La Roche-Posay ou quelque chose comme ça. Ouais, je sais plus si c'est à La Roche-Posay ou D'accord. à Avène. D'accord. Ensuite, je mets une crème de jour Yves Rocher, un sérum D'accord. Yves Rocher, et puis c'est tout. Et puis avec le sérum, je me masse un peu le visage, parce que je crois que c'est pas mal D'accord. pour prévenir les rides, voilà. Ah, d'accord, c'est et du coup tout ça c'est matin et soir ou plutôt une seule fois par jour? Le matin sûr, le soir, ça dépend si j'y pense. D'accord. Voilà. Et les produits, Comme... du coup, ils sont adaptés à une peau mixte à grasse Ouais, c'est ou ils ça, sont... j'avais demandé. Bah, le sérum, du coup, D'accord. c'est, je le mets surtout l'été quand ma peau est moins, enfin, est plus grasse, j'ai moins besoin d'une crème. Et la crème, D'accord. l'hiver, elle fait plus effet, je trouve. Enfin, ça m'arrive D'accord. l'été de ne pas mettre de crème et mettre juste le sérum. Mais donc, c'est oui, c'est un sérum qui peut remplacer... la crème, en fait, c'est ça. Ouais, voilà, c'est Il ça. se met pas avant comme Non, un. non, ouais, voilà. D'accord. C'est ça. Tu as des sérums anti-rides aussi qui peuvent s'appliquer avant une crème pour vraiment booster l'efficacité anti-âge, mais Ah là, oui, c'est pour ok. plutôt pour hydrater, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Et puis parfois, Et je mets les qu'est-ce deux. qui. Ouais, ah oui, ok. Mais je L'un trouve que en là. même temps. Ouais, d'abord la. Je sais plus dans quelle heure. Non, d'abord la crème et puis après le sérum. Pour finir par Ah oui, masser et tout. d'accord. Ouais, je sais pas si Ah, c'est d'accord. efficace, mais je sais pas si c'est trop Alors, bien, c'est vrai mais. qu'en général, un sérum, ça s'applique avant la crème. Parce que D'accord, la ok. crème va venir en protection, en fait, sur ta peau pour faire barrière à tout ce qui est, tu vois, filtre UV, pollution, etc. Et alors que le D'accord. sérum, lui, est vraiment rempli d'actifs qui doivent pénétrer au mieux dans la peau. Donc, le mieux, c'est de finir par une crème qui, hop, fait un peu protection. Alors, nous Ok, avons d'accord. Mathilde, je crois, qui Une intervient crème encore. anti-rides, c'est que. Est-ce que. Je sais qu'après, on doit deviner l'identité de Léa Tout à Carbo. fait, Mathilde. Est-ce que ça veut dire qu'elle est vers la vieillesse, on va dire? Ou ça peut nous donner des indices? Ah oui, alors Alors, je ne mets pas de qu'est-ce que la crème vieillesse anti-rides. après? Oui, c'est ça. D'accord. Non, je ne mets pas de crème anti-rides, mais j'ai souvent entendu que se masser le visage, notamment vers les Ah yeux, oui. etc., ça Ouais. pouvait aider à éviter certaines rides. Après, je pense pas que ce soit miraculeux non plus, mais je crois que c'est bien. Et puis même pour la circulation du sang dans le visage, je crois Ah que c'est oui. pas mal. Non, Bon, mais tu as voilà, de raison. toute Et façon, on va pas surtout, révéler mon âge tout de suite. exactement, encore un petit suspense. Quand on fait des massages sur le visage, il faut toujours que ce soit de l'intérieur vers l'extérieur et du bas, pardon, vers le haut, pour justement D'accord. lutter contre un peu la gravité, entre guillemets, naturelle qui pourrait Ouais. causer l'affaissement par la suite des tissus. Et toi, qu'est-ce qui te dérange en fait avec la peau grasse finalement? Bah, je trouve pas ça très esthétique, surtout l'été, ça fait un peu transpirant, je trouve. Du coup, Ah ouais, oui, d'accord, je suis pas ouais. très fan. Et puis c'est surtout que souvent ça va de pair avec l'acné, quoi. Et du coup, ouais, ça D'accord, donc des c'est un peu boutons compliqué. vraiment. Oui, Ouais, voilà. d'accord. Oui, donc Surtout. ça, c'est oui, forcément, esthétiquement, on est toujours un peu agacé, quoi. D'accord, Ouais, voilà, c'est mais ça. sinon, c'est surtout les brillances. Ouais, la brillance, j'ai vraiment l'impression que ça fait transpiration, alors que pas forcément, même en hiver, etc. Mais Bah et oui, l'été, du mais coup, c'est ça, avec l'effet. le soleil et tout, c'est 1000 fois pire qu'en Ça se hiver. cumule. Ouais, je vois. Ouais, c'est ça. On a une intervention de Juliette et Au d'Alexandre. vu de sa voix, je dirais qu'elle a dans les 35. D'accord, Ah. on est déjà sur des pronostics là. On a Bah, donc vu qu'elle a des Alexandre. cheveux blancs sur son bitmoji, moi je pense qu'elle est assez vieille. Oh, vieille, on parle pas comme ça, voyons, à une Oui. femme. Elle serait assez mature, d'accord. Et Sophie? Coucou. Alors moi j'ai une petite question. Est-ce que peau grasse signifie forcément acné? En fait, globalement, est-ce qu'on peut avoir un petit rappel de c'est quoi une peau grasse, c'est quoi une peau mixte et c'est quoi une peau sèche? Mais après, c'est peut-être prévu pour plus tard, mais juste pour avoir un petit récap. Merci. Alors oui, tout à fait, Sophie, c'est intéressant comme demande. Ça va venir juste après, en effet. Et c'est vrai que l'acné peut souvent être associé à une peau grasse. Ça, surtout quand on pense à l'acné qu'on peut avoir lors de l'adolescence, ça peut être assez associé, c'est vrai. On va faire le point type de peau juste après les habitudes beauté de Léa, du coup. Ok. Alors, est-ce que tu réalises des gommages parfois J'essaie d'en ou faire une fois fréquemment? par semaine. Une D'accord. fois par semaine, max deux, parce que je crois que ça agresse un petit peu. Donc, D'accord. enfin, ça peut agresser, quoi. Ouais. Est-ce que tu appliques un produit spécifique après? Bah, je mets de la crème, mais pas. Je crois qu'il ne faut pas la mettre tout de suite, sinon ça peut boucher un peu les. Enfin, ça peut faire en sorte que les pores respirent plus ou je sais plus, quelque chose comme ça. Mais non, j'attends un petit peu, je fais mon gommage, j'attends un petit peu, puis je mets de la crème hydratante. Voilà. Pour D'accord. pas qu'il y ait de la Alors, je saleté vais. qui rentre. D'accord, oui. Je vais refaire un point sur les gommages et les masques parce que justement, Ouais. c'était une demande de Mathilde la semaine dernière. Mais Ah bon, oui. je vais sans doute le faire maintenant, du coup, vu que là, tu évoques ce point-là. Donc, hop, je reprends juste mes notes pour être bien, bien complète. Mais tu as cité en effet le risque d'avoir un peu une peau agressée lorsqu'on fait trop de gommage. Et c'est vrai que ça peut être un peu un cercle vicieux, puisque plus tu gommes ta peau à tendance grasse pour retirer l'excès de sébum, plus en fait elle en produit pour se protéger. Et Ah oui, du d'accord. coup, ouais, c'est ça un peu le paradoxe. Le gommage permet de retirer tes cellules mortes, de bien laisser ta peau respirer, ces cellules mortes qui sont naturellement présentes à la surface de la peau, pour que ça la rende ensuite plus lisse, plus douce. C'est ça qu'on recherche en général comme effet. Mais en exfoliant la peau comme ça, on ouvre les pores de la peau, et là, tous les micro-organismes peuvent pénétrer la peau du coup. Et c'est un peu le risque du coup. On va essayer de protéger la peau, de l'hydrater juste après, avec un masque en fait. Ce qui va lui donner un Ok, film un peu d'accord. protecteur d'hydratation si on utilise un masque hydratant. Et si par contre on utilise un masque plutôt à l'argile, il va resserrer les pores et les refermer pour que rien ne pénètre, aucun micro-organisme, etc., ne rentre dans la peau. D'accord. Voilà pour le Ok. point Et gommage. Donc, moi, j'avais entendu dans. un petit. Ah, pardon. Oui, Je non, t'ai vas-y coupé, justement, parce désolée. que tu dis. Qu'est-ce que tu as à dire? Vas-y, je t'en prie. Bah, j'allais te poser une question, je ne sais pas si c'est une fake news ou pas, mais j'avais entendu dire que les gommages, il fallait faire hyper attention, donc ceux pour le visage, à prendre des Ouais. gommages à billes rondes, que ce ne soit pas des trucs synthétiques avec des petites ridules et tout, parce que sinon ça pouvait faire des lésions sur la peau, etc. Voilà, j'avais entendu ça, qu'il y avait D'accord. pas mal de gommages au final pour le visage qui étaient. Enfin, qu'il y avait des billes rugueuses et du coup, c'était hyper dangereux pour le visage. Ah, Voilà, je d'accord. sais pas si c'est Alors, le vrai, côté mais. bille ronde, bille rugueuse, j'avais jamais entendu ça sous cette forme. Par contre, c'est vrai que Ok. on conseille de ne pas utiliser de grains trop puissants, par exemple, qui pourraient venir d'un gommage dédié au corps. Là, ce serait des grains vraiment très abrasifs. Pour le visage, ça va être un peu trop fort et ça pourrait en effet faire des D'accord. lésions. Donc, c'est peut-être par rapport à ça qu'on pourrait évoquer le côté, par contre, bille ronde, la forme, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des risques, du coup, entre guillemets, à faire trop de gommage. Ça va pas aider notre Ouais. peau, ça c'est sûr. Ok. Est-ce que d'ailleurs tu pratiques, est-ce que tu connais le jeûne cosmétique, cette nouvelle Ah non. tendance? Ah pas du tout. Non, Non, je à connais ton pas du tout. avis, qu'est-ce que ça Bon, t'inspire? du coup, je dirais pas de maquillage. Pas de maquillage pendant Ouais. un certain temps. Oui, alors en fait, ça serait pas de maquillage et aucun même produit cosmétique, produit de beauté, etc., que ce soit Pas de. sérum, les hydratants, crème hydratante. Ce serait le principe Ah, de faire d'accord. ça pendant 24 heures. En fait, tu te réveillerais le matin, tu aurais juste le droit d'appliquer une petite, par exemple, eau florale pour juste retirer les. Pour bien partir pour les 24 heures, quoi. Et après, tu n'aurais plus Ouais. rien le droit d'appliquer sur ta peau. Et Ah, d'accord. ça c'est vrai que ça peut aider la peau un peu à se régénérer par elle-même, tu vois, à OK, reprendre d'accord. un peu se reprendre en main, si je puis dire, parce qu'on a quand même une tendance aux surenchères à la surenchère de produits en tout genre pour répondre à nos problèmes éventuels. Et en fait, le fait de la laisser comme ça se reprendre en main, ça va aider à ce que elle recrée la bonne dose peut-être de sébum, tu vois, ce genre de choses. Alors que si on vient tout le temps la gommer, ensuite l'hydrater, faire beaucoup, beaucoup d'applications de produits divers, et ben, elle peut parfois, au contraire, refaire encore plus, reproduire encore plus de sébum. Donc, ça peut être dommage. Alors, petite intervention, nous avons Mathilde. Donc 24 heures suffiraient pour renouveler, on va dire, la peau, enfin rendre la peau plus belle le lendemain. Et bah du coup, ça pourrait être une technique, oui, par exemple avant un événement, de se dire la veille pendant 24 heures, je laisse ma peau entre guillemets, se reposer. Ouais, apparemment, ce qui est conseillé dans le jeûne cosmétique, c'est 24 heures. Et on peut le faire de temps en temps. Après, on peut le faire peut-être un peu plus longtemps. Ça peut être un prochain thème si ça vous intéresse d'aller un peu plus, d'approfondir un peu plus le jeûne cosmétique. Mais le principe initial, c'est 24 heures de temps en temps. On a Juliette Et également. c'est Merci les bien filles de votre de faire ça participation. tous les combien de Et temps, le Alexandre. jeûne cosmétique? Donc moi je pense que ça peut être bien. Donc soit voilà ponctuellement avant un événement. Après pourquoi pas une fois par semaine le dimanche par exemple, ça peut être assez bénéfique pour la peau. Mathilde à nouveau. Bah, moi, je crois que je fais le jeûne cosmétique. Bah, la plupart des Toute jours de la l'année. semaine, en fait. Le jeûne cosmétique. Il y a parce que oui, pour tout ce qui est jeûne alimentaire, on parle de jeûne intermittent. Donc là, toi, tu serais Mathilde sur un jeûne cosmétique complet, global. D'accord, est-ce qu'on peut le faire la plupart des jours de la semaine? Et bah, du coup, bah, ça, c'est vrai que c'est quand même positif si tu as une peau, par exemple, grasse, de bien la nettoyer, en fait, parce que ça peut quand même être un cercle vicieux si ta peau est à tendance grasse et un peu étouffée par le sébum qui reste et qu'elle n'est jamais nettoyée, jamais démaquillée, alors qu'elle est exposée à de la pollution, à peut-être, enfin, avec les différents, enfin, pollution, que ce soit extérieur ou intérieur, même dans une maison, on peut avoir en fait de la pollution, vous savez, tout ce qui est peinture, ça déclenche de la poussière, etc. Tout ça va en fait un peu étouffer, entre guillemets, ta peau, et du coup, elle a quand même besoin d'être nettoyée. Donc, je ne conseillerais pas, moi, le jeûne cosmétique permanent, mais de temps en temps, ça va quand même pouvoir avoir, a priori, des bénéfices. Et nous avons Esther Et est-ce que de également. manger gras, ça peut impacter sur notre peau grasse ou pas? Alors oui, c'est vrai que a priori, on va l'évoquer un peu après. Je veux pas donner trop d'infos à Léa pour le vrai faux. Ah oui, C'est non. très intéressant toutes ces questions-là, mais c'est vrai que du coup, j'espère que tu auras bien écouté les infos déjà données, puisque ça devrait t'aider. En effet, Ah en oui, tout trop cas, cool. Esther, oui, ça peut jouer. Alors du coup, on continue sur les questions. Est-ce que toi, tu changes souvent de produits cosmétiques ou tu arrives à utiliser les mêmes plusieurs semaines? Ah non, je garde tout le temps les mêmes. Souvent, D'accord, quand je tu trouve quelque arrives chose de bien, ouais, je le garde. il y a une cohérence, d'accord. Alors ça, a Ouais. priori, c'est plutôt positif hein, pour ta peau, parce Ah, que d'accord. le fait de changer tout le temps de routine, la surenchère à nouveau de produits, d'actifs, et bah, ça va être pas forcément terrible pour la peau. On parle en ce D'accord. moment de la slow cosmétique. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Une Non, tendance pas du aussi. tout. Alors, la slow cosmétique, c'est le fait de moins consommer de produits cosmétiques, mais en utilisant des produits peut-être de meilleure qualité, plus naturels, tu vois, moins de D'accord. produits synthétiques finalement. Et voilà, comme on parle aussi pas mal de tout ce qui est perturbateur endocrinien dans les produits cosmétiques aussi, le fait s'il y a certains ingrédients qui auraient tendance à être des perturbateurs endocriniens, le pire en fait, c'est le fait de les cumuler. Un perturbateur endocrinien par-ci par-là dans sa routine, c'est pas dramatique a priori, mais le fait d'utiliser des produits qui en ont chacun plusieurs, ça va faire un peu un cocktail explosif en fait pour la peau apparemment et pour même les tissus en interne et tout ça. Donc tout ça pour dire que c'est vraiment très bien si tu arrives à garder une même routine une fois qu'elle te convient, bien sûr, parce qu'il faut quand même trouver des produits adaptés et tout. Et toi, Ouais, tes c'est ça. boutons éventuels, tu les gères comment, Léa? Bah, bon, alors maintenant ça va mieux, mais bah y a jamais, enfin rien n'a jamais fonctionné. C'est passé avec l'âge. Et sinon, quand j'en ai vraiment un qui me dérange, maintenant je mets de l'huile d'arbre à thé. Je sais pas si tu connais. Ah oui, ah Ouais. d'accord. Donc je le mets avec un petit coton-tige, vraiment je le localise juste sur le bouton et ça D'accord. l'assèche et vraiment c'est miraculeux. J'ai vraiment Ah, vu génial. un ouais vraiment j'ai rarement vu un produit qui marchait aussi bien sur les boutons. En combien de temps ça c'est efficace Bah pour déjà toi en je général? vois le résultat le lendemain matin parce que je le mets le soir avant d'aller me Ah, coucher. Tu vois d'accord, déjà ouais. le résultat et Tu ouais vois je qu'il dirais deux trois réduit. jours quoi. Ouais voilà c'est ça. D'accord. Ouais, Parce peut-être que, deux, trois chers jours. auditeurs, ouais. D'accord. Ça, c'est un piège un peu, on l'entend souvent, mais on nous dit ne touchez pas vos boutons parce qu'en fait, Ouais. on les réinfecte avec nos mains, etc. Et du coup, c'est un cercle vicieux et après, ça peut laisser des traces, un peu des cicatrices. Alors que là, avec un produit comme celui-ci qui assèche naturellement, j'imagine que tu n'as pas de cicatrices une semaine après, par exemple. Ah non, non, pas du tout, ouais. Ouais, Non, non, c'est pas de ça. Donc, ouais, cicatrice. Ouais, c'est ça, c'est parfait. le bon geste beauté. Ouais, Merci de c'est cette ça. astuce. Est-ce que tu as déjà fait un soin visage en institut? Oui, j'ai déjà fait. J'avais mes amis qui m'avaient payé un soin. Je sais plus comment ça s'appelait l'institut, mais c'était D'accord. super sympa. Bah, c'était pour les peaux D'accord. justement mixte mixte à grasse. Ah d'accord, il était spécifique. Et Ouais, c'est est-ce ça. que du coup tu avais appris des choses, enfin des astuces, etc. ou c'était surtout détendant et après tu étais ressorti avec une belle peau? Non, ouais, c'était surtout détendant, on parlait pas trop, je m'endormais un petit peu. C'était ouais, plus un massage, mais avec des produits vraiment, vraiment hyper agréables sur la peau. D'accord. Voilà. Ok. J'ai pas appris grand-chose, mais c'était hyper sympa. Ouais. Et après, tu as trouvé du coup que tu avais bonne mine et tout, ou moins d'imperfections, moins de points noirs. C'était il y a quand même quelques années, je me rappelle plus trop, mais oui, sûrement plus. Plus de vitalité, je dirais. Je crois que ça m'avait. Enfin, j'ai l'impression d'avoir une peau plus fraîche. Voilà. D'accord. Ok, top. Autre question, Léa, toujours dans Beauté imaginée, dans notre rubrique sur tes habitudes beauté. Toi, tu choisis un maquillage adapté aux peaux mixtes à grasse ou pas spécialement? Bah, ouais, c'est vrai que je vais pas prendre de. Enfin, déjà, je mets pas de fond de teint ou quoi, puisque ça. Enfin, ni de fond de teint mat, mais du coup, si je devais en mettre, j'en prendrais un mat plutôt qu'un fond de teint liquide normal. Et sinon, oui, du coup, D'accord. je mets de la poudre pour. Enfin, pas tout le temps, mais je mets de la poudre pour. Surtout l'été, pour éviter de trop briller. Et D'accord. sinon, pour le reste, je mets pas trop de produits sur ma peau. Produits de beauté, donc mais oui, si j'en mettais, je D'accord. pense que j'adapterais, j'essaierais de prendre des produits mats pour éviter la brillance, quoi. D'accord. Mais toujours sous forme liquide quand même, c'est ça? Ou compact? Ou Bah fond de ouais, teint compact, compact, je pense que c'est plus adapté à ma peau, je D'accord. pense, en poudre. Alors, du coup, petit conseil pour les peaux Ouais. mixtes à grasse. Déjà, souvent, le maquillage ne tient pas sur la peau grasse parce que le sébum étant une molécule grasse, ça va faire glisser, entre guillemets, le maquillage qui, en général, est aussi constitué de chimiquement de produits un peu, enfin plutôt gras aussi. Et du coup, l'effet des deux, ça va faire un peu glisser. Et un produit qui peut être pas mal, c'est les bases matifiantes. Parce que du Ouais. coup, une base, ça aide à fixer le maquillage. Et là, quand elles sont matifiantes, elles vont en plus réduire les brillances. Donc, ça peut être une OK. astuce. Et en fait, cette base, il faudrait l'appliquer juste avant le fond de teint et juste après la crème hydratante, en fait. Et OK. ensuite, tu évoquais le fond de teint plutôt mat, compact. C'est, ça peut au contraire, pourquoi pas, être bien d'utiliser un fond de teint fluide, non comédogène et sans huile. Ça va être ça Ah, d'accord. les astuces, voilà, les Ok. particularités. Parce que ça veut dire qu'il n'ajoutera pas de gras, entre guillemets, aux pores qui ont déjà naturellement du sébum, tu vois. D'accord, ok. Donc plutôt liquide, pas compact. Ouais, exactement. C'est Ok, ça. Et donc, d'accord. non comédogène Ouais. et sans huile. Faut il faut qu'il soit formulé sans huile parce que D'accord. l'huile étant un produit gras, Hyper et gras. ben voilà, ça va pas matcher avec le sébum un peu en excès sur la peau. Ok, d'accord. Autre point, est-ce que tu peux nous faire rire en nous racontant peut-être une erreur que tu as faite avec des produits de beauté mal utilisés, Léa? Alors, justement, j'avais réfléchi à cette question. Je ne savais pas si tu allais me la reposer parce que j'avais écouté ton premier live. Et du coup, je me suis souvenue que j'avais appliqué donc une crème pour les pieds de chez... Enfin, non, un masque, pardon, pour les pieds de chez Yves Rocher à la lavande sur le visage. Oui. Et ça Oh m'a brûlé. C'était horrible. mon Dieu. J'avais des Ah flaques rouges ouais. pendant une demi-heure. C'était horrible. Vraiment, j'ai l'impression que je Ah là pâlissais. là. Ah, c'était Ah horrible. bah oui. Ah, Donc, ouais, ouais. c'était le truc le plus horrible. T'avais mal lu du coup, c'est ça? Tu Ouais, l'avais. en fait, Enfin, j'étais petite, je n'avais même pas lu. Je voulais ah juste ouais, oui, puis mettre masque, un bon. masque pour faire comme les grandes et voilà. C'était horrible, Hé ça m'avait brûlé la lavande. J'ai l'impression que ça allait dans mes yeux alors je l'avais mis bien Ah, dessus, mais l'horreur. le parfum était tellement fort que ça, c'était horrible. Mais oui, c'est Mais bon, vrai, voilà. c'est hyper astringent la lavande. Oh Ah, là là, ouais. merci d'avoir de t'être confessé sur cette Oui, erreur, pas cette de bourre de souci. beauté. Oui, c'est ça. On a quelques réactions. Marine? Ah oui. Salut, alors moi j'ai une petite question. Est-ce que ça peut être recommandé d'alterner les crèmes, par exemple une crème hydratante le matin et une crème anti-acné plutôt le soir avant le coucher ou l'inverse, mais juste du coup d'alterner deux crèmes sur une même journée, ou est-ce que c'est mauvais pour la peau au final? Alors du coup, bah, c'est vrai que je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, le côté changement régulier de routine, ça ne va pas forcément être terrible. Maintenant, si c'est vraiment les deux mêmes crèmes que tu mets tous les matins et l'autre tous les soirs, a priori, ça aura pas les mêmes impacts négatifs. Souvent, en fait, on conseille d'utiliser des crèmes d'une même gamme, tu vois, Marine, parce que du coup, elles vont avoir un peu la même base au niveau de la composition. Elles vont peut-être être, avoir, j'évoquais tout à l'heure les perturbateurs endocriniens, ça évitera le côté un peu cocktail de perturbateurs endocriniens et du coup, il y aura un peu une cohérence au niveau de leur formulation. Voilà, c'est ce que je peux dire a priori, sachant qu'il faut savoir que toute crème, qu'elle soit anti-acné, pour peau grasse, pour peau sèche, a avant tout la caractéristique et l'objectif d'hydrater. Hein. Toutes les crèmes hydratent, les crèmes de jour, de nuit, c'est avant tout leur objectif. Donc, tu peux tout de suite te diriger, pourquoi pas, vers la crème qui répond à ton type de peau et à ses imperfections. Ou voilà. Maintenant, du coup, peut-être que c'est au niveau de tes nettoyants, etc., que tu pourrais changer un peu de formule pour trouver un produit plus adapté. On a Mathilde à nouveau. En tout cas, merci beaucoup, hein. Beaucoup de commentaires ce soir. Ouais, Ça c'est fait plaisir. super. C'est un thème qui a l'air d'inspirer. Et ça va mieux depuis combien de temps, tes boutons? Ah, Ça, Mathilde elle est doit encore laisser sur prévoir le tes indices sur pronostic. mon âge. Ouais, je crois Alors, bien. est-ce que je réponds à la question Alice ou je laisse encore un petit... Enfin, Bah, tu je réponds à la peux question pour sans. Léa. Bah, peut-être ne pas donner, ne pas dire. Enfin, essaye d'être un peu évasive si. Je donne une Voilà. fourchette. Oui, voilà. Je dirais Quelques années, depuis quelques mois. ouais, quelques années, je dirais. Enfin, j'en D'accord. ai toujours un peu, mais c'est pas du tout la même chose qu'avant. Voilà. Et Mathilde à nouveau. Ah, ils sont sympas, tes amis. Oui, très gentils, mes amis. C'était pour le soin, j'imagine. Bah oui, c'est vrai. Oui, j'ai désolé les filles, j'ai joué un petit peu tard vos commentaires. Oui, c'était pour le soin que tes amis t'ont offert. Alors, tu les avais bien Ouais, c'est ça. remerciés, j'imagine. Oui. Enfin, dernière question dans notre rubrique sur beauté imaginée, Léa. Quel est ton produit de beauté incontournable ces temps-ci? C'est peut-être celui que tu as cité, du coup. Ah bah oui, du coup, j'aurais dit celui-là parce que je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça et vraiment c'est magique. Ouais, d'accord. Voilà, Ok, j'aurais dit génial. celui-là. Et il a une marque précise? Non, non, non, tu sais, c'est les petites huiles essentielles. Enfin, je pense que tu peux en trouver en supermarché, hein. D'accord, ok. Voilà. Top, Un truc bio, je pense bonne que c'est peut-être mieux astuce. pour la peau, je sais pas, pour le visage. Ouais. Oui, Voilà. bah c'est vrai que on aime bien que ce soit toujours plus naturel. Ouais, Alors, maintenant, Chers auditeurs, dans Beauté Imaginée, les auditeurs, vous l'avez compris, imaginent de leur côté qui est notre invité. L'imaginaire, c'est aussi la force du podcast. Est-ce que quelqu'un veut estimer l'âge du coup de Léa avant que Léa ne le dévoile? Allez. Est-ce que nous avons des propositions pour notre rubrique Les auditeurs t'imaginent ce soir dans Beauté Imaginée? Ils avaient l'air inspirés ce soir, il y en a bien qui Ah oui! vont nous répondre. Ah. Nous avons Mathilde. Je dirais que Léa Carbo a 18 ans. 18 ans. Ok. Oh, beaucoup de réactions. On va tout Bah, moi, écouter. j'aurais dit Esther. 28, 29 ans, je pense. Ah oui, pas du tout la même chose. D'accord, ouais, il y a un petit, y a un petit gap. Alors, moi, je tenterai pour 35 ans. Ah Ah, en effet, c'est Ben, je très dirais varié. au moins 25 ans, finalement. Alors moi, je n'ai pas du tout une idée de l'âge de Léa, mais je suis convaincu que son plat préféré, c'est les pâtes carbonara. Voilà, désolé, je pense que tu as dû souffrir de cette blague un peu trop longtemps. Voilà, Oh oui. mais je t'aime beaucoup, en tout cas. J'adore cette blague pour ma part. Et Marine, Oui. enfin, Moi, je dirais pronostic? peut-être 25 ans parce qu'elle a quand même dit que ça faisait quelques années, donc. D'accord. Ok, ça Peux-tu marche. nous éclairer, Léa, sur ton âge? Alors, du coup, j'ai 20 ans et bientôt 21 ans. Voilà. Ah, donc je crois que personne n'était vraiment. Mathilde n'était pas si loin, elle avait dit 18, ça se rapproche quand Ouais, même. c'était la plus proche, ouais, tu as Ouais. raison. Alors, autre question dans la rubrique Les auditeurs t'imaginent. Qu'est-ce que Léa fait dans la vie, d'après vous? Alors, En alors. général, on te donne ton âge quand on te voit dans la rue, etc. Enfin, quand on te connaît. Peut-être un petit peu plus, mais ouais, quelques années de D'accord. plus. Ça va Pas pas au-delà 35 de ans non 25. plus. Ouais, non, pas au-delà de 25-26, je pense. Alors, pronostic de Je pense Mathilde. que Léa est en stylisme et en école de styliste. Ah. Ah, d'accord. Je Juliette? pense qu'elle est étudiante, mais je ne sais pas encore dans Ah oui, quoi. au vu de ton âge. Ouais. D'accord. Ok. Est-ce que tu peux révéler ce que tu fais dans la vie, Alors, Léa? du coup, moi, je suis en études de gestion à la Sorbonne. Je suis en deuxième année, D'accord, voilà, en de région licence. parisienne du coup. Ah, on Ouais, voilà. avait deux autres, on les écoute Ah quand oui, pareil, même. moi j'aurais dit étudiante, mais j'ai pas d'idée pour le secteur. Ouais. Ouais. D'accord. Et Moi j'aurais enfin. dit étudiante dans le médical ou dans le social, je pense. Ah. D'accord. Bon, bah c'était bien étudiante, C'est mais marrant. en gestion, ça n'a pas été Ouais, c'est deviné. ça. Autre chose à deviner sur toi, combien de temps tu passes dans la salle de bain le matin en moyenne? Donc, Ah oui. j'entends pour te préparer pour une journée normale, donc de cours en l'occurrence, même si j'imagine qu'en ce moment, c'est pas mal en Oui, distanciel pour toi. Ouais, c'est donc c'est ça. un petit Ouais, peu pas de moins. préparation. Ah Mais ouais, du coup, ok. faut On compter le temps va de la se douche aussi. positionner. Oui, voilà, tout compris. Ok. Un matin classique à l'époque où tu avais à avoir des gens, quoi. Ok. Qu'est-ce qui nous est proposé, Moi, je Juliette? dirais qu'elle passe 30 minutes. Et si elle doit bien sortir, aller à un événement, je sais pas quoi, limite 3 quarts d'heure. D'accord. Au vu Ok. de la richesse de tes réponses, est-ce que ça a inspiré à Juliette et Mathilde? Je pense qu'elle passe 20 minutes dans la salle de bain le matin. D'accord, je regarde si on a une dernière. Ah, Sophie. Moi, j'opterais pour 30 minutes. D'accord, donc on a 30, 20 et 30. Léa, verdict. Et bah, du coup, c'était bien à peu près 30 minutes, ouais, je pense, 25-30 minutes, quelque chose comme ça. Donc, bravo. D'accord, bravo, bravo. Encore une autre info qu'on pourrait faire deviner ce soir, c'est la marque qu'il y a le plus dans ta salle de bain. Tu en as en plus un petit peu évoqué tout à l'heure, donc peut-être que ça donnera Oui, c'est vrai. des idées si nos auditeurs de ce soir, qui sont donc neuf Ah oui. là tout de suite, ont écouté ta routine, etc. On va voir si quelqu'un se propose. Toi, dans l'ensemble, il y a vraiment une marque qui se dégage dans ta salle de bain ou c'est assez global, tu penses? Bah C'est assez varié, je veux dire. en soin, c'est quand même ouais, quasiment qu'une seule marque. Et en maquillage, par contre, pour le coup, j'ai vraiment un peu de tout. Enfin, j'ai rarement plusieurs produits d'une même marque. Donc voilà. D'accord. J'aime bien un peu tout tester en maquillage, alors qu'en soin, une fois que j'ai Ah trouvé oui. une marque que j'aime, je préfère la garder, quoi. Je vois. Donc voilà. Alors, top, on va écouter Je dirais que Mathilde. c'est Yves Rocher parce que je lui ai fait des cadeaux Yves Rocher parfois et qu'elle en a cité ce qu'elle a cité cette marque. Mathilde, ta copine qui donc a peut-être contribué à ton soin visage tout à l'heure, Bah vu ce oui, qu'elle avait c'est ça. dit. Nous Oui, avons c'est aussi ça. Juliette. Je dirais Sephora. Ah, donc Sephora, la marque distributeur, parce que chez Sephora, c'est vrai qu'il y a énormément Ouais, de plutôt le marques maquillage, ouais. différentes. La Roche-Posay? C'est vrai que tu as cité C'est cette marque bien. aussi. Ouais, c'est Alors, bien, Léa. c'était au début. Elle a retenu. Et bien, du coup, pour les soins, c'est vrai que oui, j'aurais dit Yves Rocher plutôt. Et D'accord. pour le maquillage, bah, vraiment, comme j'ai dit, là, je sais pas, j'ai un peu de tout. Mais c'est vrai que D'accord. oui, Sephora, j'ai pas mal de produits Sephora. Mais ouais, un petit peu de tout, j'aime bien tout tester. D'accord. Voilà. Alors, Je crois Mathilde. que Mathilde nous prouve encore une fois qu'elle n'est pas très calée en cosmétique. Désolée. Tu n'es pas calée en cosmétique, Mathilde, du coup, c'est ton propre verdict. Ouais. Alors, du coup, une autre info que nous pourrions deviner ce soir, c'est ton style vestimentaire. Ah oui, Est-ce que c'est dur ça. quelqu'un a des idées? C'est dur ça, je trouve, comme question. C'est vrai, c'est vrai. Donc, si Mathilde te connaît, ce n'est peut-être pas la peine qu'elle nous Oui. fasse de pronostics. Oui, non, du coup, ce sera un peu dommage. Sais pas si on a des auditeurs qui nous posent des questions. Ça y est, ça y est. Tiens, d'ailleurs, je me Ah. demandais, Léa, toi, là, tu peux jouer les commentaires ou il n'y a que moi qui peux cliquer? Ah bah attends, je sais que je peux voir qu'il y a des. Bah attends, tu veux que je teste? Ouais, je veux bien. Là, Celui de je vois qu'on Juliette, a là. on a deux. Ouais, on en a deux, un de Mathilde, un de Juliette. Alors, ça m'étonnerait pas qu'elle reprenne les vêtements de ses parents, enfin de sa mère. T'as entendu? C'est bon, ça l'a bien lancé la Ah question? oui, parfait. Ouais, Ah donc bah tu du peux coup, je peux, aussi. ouais. Ok. Alors, ok pour Juliette et Je pense que Mathilde. Léa s'habille très classe. Bah, en fait, je la connais, mais comme ça, si je l'avais entendue, je pense qu'elle s'habillerait assez simplement. Ok. Ok. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Léa? Alors, du coup, moi, j'aime bien tout ce qui est vintage, du coup, m'habiller dans les friperies. Et du coup, oui, je reprends Ah, les oui. habits de ma mère. Mais plutôt quand elle avait 20 ans. Pas ceux actuels, mais ouais, voilà, D'accord. j'aime bien tout ce qui est vintage, Ah quoi. ouais. Et tu suis un peu, enfin, tu t'intéresses à tout ce qui est mode, etc. Ou c'est plus selon toi, au feeling? Ouais, non, franchement, j'aime beaucoup la mode. Après, je suis pas particulièrement sur les réseaux ou quoi, mais franchement, j'aime bien ça. Ça me plaît. Ouais, ça te plaît. Donc voilà. On Du a coup, deux je réactions, sais je ne plus sais qu'elle pas a si dit. c'est des. Ah, pardon. Tu as raison, en tout cas, c'est plutôt Juliette qui s'en rapprochait. Moi, j'aurais dit pas mal en friperie, Ah mais bah assez chic quand même. voilà. Est-ce qu'on pourrait voir comment tu. Est-ce qu'on pourrait avoir une photo de ta façon de t'habiller en général? Alors, c'est Ah tout oui, à fait et prévu bah. parce que Léa, tu as accepté de nous envoyer une photo que je vais poster Ah oui, sur tu aimes bien ça. Instagram. Ah. Ouais, Et bah donc, oui, du coup, chers pour voir un petit peu auditeurs, le hop. style. Mais oui, c'est ça, parce que c'est vrai que comme c'est un élément qui te caractérise un petit peu, tu étais prête à partager. Donc, chers auditeurs, vous pouvez vous rendre sur mon Instagram Beauté Imaginée en minuscule, pas d'accent, et entre Beauté Imaginée, on a le 8 de la barre du 8, pardon. Et du coup, vous aurez un petit aperçu d'une des tenues de Léa. Et enfin, Léa, est-ce que tu peux nous parler de tes hobbies? rapidement ce que, enfin, pour encore qu'on puisse imaginer qui tu es, parce que c'est ce qui est un peu rigolo avec des invités qu'on ne connaît pas. Ouais, c'est vrai, c'est dur de se décrire comme ça. Ouais. Mais j'ai pas d'énormes passions comme un instrument de musique ou des choses comme ça, mais j'aime bien la peinture. Ça me détend, D'accord. ça sympa. D'accord. Et sinon, la chose que j'aime le plus, c'est sortir, voir mes amis, voilà, passer des moments avec des gens, voilà. Mais sinon, D'accord. j'ai pas de passion particulière, ouais, comme tu disais, pour un instrument ou quelque chose comme ça. Donc voilà. D'accord. Bah, merci de t'être dévoilée comme ça. On a une intervention de Je viens de voir la Juliette. tenue, mais en fait, je rectifie pas les vêtements de ta mère, mais de ta grand-mère. Oh! Mon grand-père Juliette. même. Des moments avec moi en particulier. Ah, d'accord. Comme Oui. tu as dit aimer sortir avec tes amis, donc vous êtes souvent avec Mathilde. Non, pas très souvent. Je l'aime pas particulièrement. La Quelle, pauvre. oh là là, quelle ingratitude. Après ce superbe sans visage d'il y a 5 Ouais, ans. c'est ça. Et nous avons une réaction d'Alexandre Bah aussi. moi j'ai adoré la tenue, donc si je pouvais avoir ton numéro, Léa Carbo, ce serait sympa. Ah, d'accord. Et là, Alexandre je savais pas qu'on se faisait draguer est sur Skyrock. curieux de est curieux d'en savoir plus. Bon bah C'est ça. tu libre à toi, Léa, ensuite Voilà. d'appeler sur stéréo Alexandre si tu le souhaites. Alors du coup nous allons passer à la rubrique La Belle Minute Scientifique. Et on va répondre à Maman Soso de tout à l'heure qui nous demandait un peu comment on peut savoir qu'une peau est mixte ou grasse. Alors juste petite, on a Si Mathilde tu veux, je encore. te donne le numéro de son grand-père directement. Mais lequel? Bref, alors du coup, pour la belle minute scientifique, en fait, le type de peau, ça va dépendre du film hydrolipidique qui est à la surface de la peau. Qu'est-ce que c'est que ce film hydrolipidique? En fait, c'est une protection de votre peau qui est totalement naturelle. Et il se constitue de deux parties. Hydro, à ton avis, Léa, ça serait De plutôt. l'eau? Exactement, Non. et lipidique. Oula. Alors là, aucune Les idée. lipides. Ah, Lipides, d'accord, c'est ok. tout ce qui est gras, en fait. Et du coup, ça va Ok. être tout ce qui est sébum. Donc, on a un certain équilibre, en fait, à la surface de la peau pour nous protéger. Un mélange d'eau qui vient de la sueur, en fait, naturelle, et de sébum, de gras. Et en fait, c'est une sorte, oui, c'est pas très appétissant, mais Ouais. c'est la réalité de notre protection cutanée. C'est une sorte de barrière donc pour les cellules de la peau juste en dessous, qui elles doivent être absolument protégées. Et selon l'équilibre qu'on a, si on a un bon équilibre de eau et de gras, on va avoir un pot de type normal. Maintenant, si votre film hydrolipidique est un peu déséquilibré et qu'on a trop de lipides, la peau est grasse, parce qu'on a trop de gras. Si à D'accord. l'inverse, le film hydrolipidique n'a pas assez de lipides, la peau est sèche parce qu'elle manque de gras. Et le dernier type, du coup, c'est la peau mixte. Là, la peau mixte, ça veut dire que selon les zones de ton visage, comme toi, Léa, a priori, tu as des endroits où il y a un peu trop de lipides sur la zone médiane. Donc à cet endroit, la peau est grasse. Et sur le OK. reste du visage, tu vas avoir une peau plutôt normale ou sèche. OK. Et du coup, ça, ce sont les types de peau. Donc il y en a quatre, on a dit gras, sec, mixte et normal. Et ensuite, on a des états de peau. Les états de peau vont être un peu plus fluctuants selon beaucoup, beaucoup de facteurs. Et ils peuvent, du coup, l'état de peau peut changer. Alors que le type de peau, tu vois, il est quand même un petit peu, pas omniprésent, mais c'est quand même une tendance qu'on a génétiquement. C'est une tendance de fond, mais on peut après un peu le limiter. Mais c'est D'accord. quand même quelque chose comment dire, constant, on va dire. Et l'état de peau, là, ça va être les peaux déshydratées quand il n'y a pas assez d'eau dans le film hydrolipidique. On a aussi l'état de peau sensible, l'état de peau mature en prenant de l'âge. OK, d'accord. Est-ce que ça, c'est quelque chose dont tu avais conscience quand tu disais j'ai une peau grasse ou mixte? Non, pas vraiment, non, je me disais juste que ouais, non, c'était comme ça. Je me posais pas trop de questions, non, je savais pas C'est hyper Est-ce que intéressant. tu savais peut-être que c'était l'excédent de sébum? Oui, je savais pour le sébum, mais je savais pas du tout. Oui. Enfin, j'avais pas compris exactement ce que c'était, quoi. Et que le sébum a une vraie vertu puisqu'il va protéger notre peau, en fait. Ouais, c'est ça. Alors, du coup, on passe à la rubrique vrai-faux. On va tester tes connaissances beauté Allez. en matière, du coup, de peau à tendance grasse et mixte. Chers Ok. auditeurs, n'hésitez pas à vous proposer, à vous, pardon, à vous, à nous proposer des réponses aussi. Déjà, Léa, première question. Le mot kératinisation s'écrit avec 14 lettres au singulier. Vrai ou faux? Elle est vraie. C'est vrai. Chers auditeurs, si vous avez été là la première fois, vous savez peut-être que Léa m'avait demandé comment s'écrivait kératinisation pour réaliser des Du recherches. coup, est-ce que l'état Marine. de peau peut varier avec le stress, la fatigue, ce qu'on mange, est-ce qu'on boit assez ou des choses comme Ah ça? oui. Je crois qu'à un moment, ça a été évoqué, la nourriture, l'effet de ce qu'on mange sur la peau, mais je me suis un petit peu absentée à ce moment-là, donc si on peut avoir des précisions, Faut t'avouer à moitié pardonner, merci. Marine. Alors, en fait, a priori, on va en parler juste après On dans une autre arrive dans les question, donc je ne veux questions. pas trop donner d'infos à Léa, du coup, qui, pour l'instant, a un point sur 12. Ensuite, la peau grasse, Léa, a ses glandes sébacées qui produisent en fait un excédent de sébum sur tout le visage. Et pour la peau mixte, pardon, ce ne sont que les glandes sébacées de la zone médiane du nez, front, menton qui produisent un excédent de sébum. Vrai ou faux? J'aurais dit vrai. Exactement. Déjà, tu avais déjà conscience de ce qu'était la zone T, la zone médiane, donc tu connaissais ce point-là. La J'avais peau jamais mixte, entendu ça veut zone dire... médiane. Ah d'accord, bah oui, c'est un autre terme, mais c'est Ok. vrai que zone T, c'est visuel puisque ça forme un T entre le nez et le front, Ouais. finalement. Donc, tout à fait, la peau mixte est grasse sur la zone médiane et ensuite sur les joues, elle peut être normale ou sèche, mais elle peut aussi être sensible, déshydratée, voilà. Tout comme une peau grasse peut être déshydratée de toute façon, hein. On peut avoir un Oui. surplus de lipides dans le film hydrolipidique et quand même manquer d'eau. Et d'ailleurs, en général, toute peau a besoin de plus d'eau. Hein. Ça, c'est assez permanent. D'accord. Voilà. Donc, on est déjà à deux bons points pour toi. Troisième question, la peau grasse sera plus ridée en vieillissant. Vrai ou faux, Léa? Alors, je crois que c'est faux. Je crois que j'avais entendu l'inverse, mais je suis pas sûre. Ou Alors, alors pas d'effet, je sais plus. oh, je me rends compte que j'ai proposé aux auditeurs de participer et que là, je n'ai pas encore écouté la réponse. Ah mince. Mathilde? Moi, je dirais faux pour la peau grasse sera plus ridée. Et toi, Léa, tu Ouais, viens de moi dire aussi, faux également. j'aurais dit faux, j'aurais dit l'inverse, mais Bien joué, les filles. c'est ça. En Ah. effet, c'est l'inverse. Le sébum qui est donc en grande quantité produit par une peau grasse, hydrate la peau et lui donne une certaine protection. Or, la peau, quand elle vieillit, elle a tendance à s'assécher. Et c'est ça qui peut faire qu'elle marque plus, qu'elle se ride plus. Donc, c'est un atout de la peau grasse. La peau Un des grasse sera seuls. moins ridée en vieillissant. Oui, c'est ça. Donc, encore un bon point pour toi, Léa. Et Mathilde a Ouhou. eu bon aussi. Je crois qu'il y a Quatrième une question. note audio là. Je sais pas de quand ça date. Alors, Je dirais que c'est vrai. ah, Je crois ça que devait être c'était pour pour la la deuxième première question. question. Ouais. Désolée, Mathilde, en l'occurrence, c'était bien ça pour la deuxième question. Alors, les sulfates augmentent la production de sébum dès que ça mousse, donc. Ah, d'accord. Alors là, bon, je vais dire vrai, mais vraiment, c'est au hasard. Est-ce que quelqu'un veut se positionner? Mathilde, merci de La ta quatrième, je participation dis vrai. active. Parfait. En fait, il faut éviter tout ce qui est produit moussant pour une peau grasse. Ah, d'accord. Comme pour les cheveux, on en avait un peu parlé la dernière fois avec Mathilde, justement. Tout ce qui est sulfate, ça va être un peu agressif pour la peau et notamment... La peau grasse. D'accord, ok. Ah, on a Alexandre qui propose une Je dirais réponse. vrai aussi, je pense. Très bien, bien joué Alexandre. Et bah, du coup, on est sur un sans faute pour l'instant, hein. Super. Hop. En fait, je triche. Non, non, j'aurais Non, pas le temps. je rigole. Tu es entraînée avec. Il paraît que les étudiants, c'est beaucoup, beaucoup le problème en ce moment. Ouais, c'est ça. Tu t'es Entraîner entraînée. à être rapide pour tricher. Décaper la peau va bien Bien. l'aider lorsqu'elle est grasse à limiter l'excédent de sébum. Vrai ou faux? Alors, qu'est-ce que tu entends par décaper? C'est en gros, tu fais du Vraiment quoi? faire enfin mettre beaucoup de produits pour la rendre la plus lisse Ok. possible, les gommages notamment. Bah, du coup, de ce que j'ai retenu de tout à l'heure, je dirais que non, parce que tu me disais qu'à force de trop mettre de produits ou trop l'agresser, ça pouvait justement créer du sébum et la rendre encore plus grasse. Alors, on va écouter les réponses de Mathilde Je pense que d'abord. c'est faux. Ensuite, nous avons Je pense que Juliette c'est vrai. et Sophie. Moi, pour cette question, je dirais faux. Bien joué Léa, c'est faux. Et bien joué également Sophie et Mathilde. Oui, on l'a déjà un peu évoqué tout à l'heure. Tu as bien suivi, vous avez bien suivi. En fait, c'est un cercle vicieux. Plus tu gommes ta peau pour retirer l'excès de sébum, et plus elle en produit, du coup. Donc, Ouais, c'est il clair. vaut mieux éviter. Et du coup, petite astuce pour une peau grasse ou mixte, le mieux, c'est peut-être de choisir un exfoliant enzymatique plutôt qu'un gommage à grains. L'exfoliant enzymatique, c'est un produit qui, par réaction chimique, va faire tomber les cellules mortes. Parce que je le rappelle, un gommage, son objectif, c'est de faire tomber les cellules mortes qui sont présentes naturellement à la surface de la peau. Et donc, quand on utilise un gommage à grains, on va un peu exciter les glandes sébacées qui vont sécréter plus de sébum. Donc le fait d'utiliser, pourquoi pas, un exfoliant enzymatique, ça va donner le côté lisse, mais sans agresser. Ok, d'accord. On passe à la question 6. Privilégier une eau florale à l'eau micellaire pour une peau grasse est dangereux. Vrai ou faux? Alors là, j'aurais dit faux. Est-ce que quelqu'un veut se positionner? Privilégier l'eau florale à l'eau micellaire pour une peau grasse est dangereux. Moi, je Mathilde pense que c'est faux. Au contraire. Je et pense que c'est faux, Juliette. ça change pas grand-chose, je dirais. Alors, détrompe-toi, Juliette, ça change quelque chose. Bien joué, les filles, c'est faux. Au contraire, l'eau micellaire, elle va être peut-être moins adaptée à la peau grasse qu'une eau florale, parce que l'eau micellaire pourrait avoir tendance à un peu faire produire un peu plus de sébum à la peau grasse. J'ai pas le mécanisme précis, mais on conseille du coup d'utiliser une eau florale qui va être plus légère, par exemple une eau de lavande ou une eau à la rose. Elles sont astringentes et du coup ça va réduire doucement la production de sébum sans exciter du coup les glandes sébacées. Qu'est-ce que Mathilde veut Donc l'eau ajouter? florale est plus naturelle que l'eau micellaire, c'est ça? C'est pas forcément par rapport à ça. C'est plus au niveau de sa composition. L'eau micellaire va plutôt être un peu trop, peut-être, efficace, enfin, pas assez douce pour la peau grasse lorsqu'elle va la nettoyer. Ça va peut-être plutôt amener à reproduire davantage de sébum. Alors que l'eau florale, c'est un autre mécanisme. Elle est astringente et du coup, c'est plus naturel en effet. Et elle va aider à ce que la peau produise moins de sébum, mais sans qu'elle se sente agressée, tu vois. Septième question. Punaise, on est sur un sans faute là. Hein. Bien joué, Léa. Je me Génial. trompe pas, hein, c'est ça? C'est sur un sans faute Bah, depuis tout à l'heure. je crois, ouais. C'est cool. Alors, beaucoup de facteurs peuvent contribuer à graisser la peau de type déjà gras. Je dois dire vrai ou faux là? Donc je dois en donner. Exactement, oui, tout à fait, Ok. vrai ou faux? Je dirais vrai. Alors, est-ce que quelqu'un se positionne? Beaucoup de facteurs peuvent contribuer à graisser la peau de type déjà gras. Sophie? Je dirais vrai aussi. Eh bien, en effet, Bravo à nouveau. C'est vrai. En fait, on a certes la génétique qui, oui, détermine, on le disait, le type de peau qu'on aura à l'âge adulte, mais ensuite, il y a plusieurs facteurs et ça répond un peu à ce que Marine nous demandait. Plusieurs Ouais. facteurs, donc, vont envenimer la production de sébum. Est-ce que tu as quelques idées, Léa? Bah, du coup, ouais, comme on en a parlé tout à l'heure, mais ça me dit quelque chose déjà, l'alimentation, une alimentation plus équilibrée, je pense que même pas forcément qu'au niveau de la peau grasse, mais ça peut dans tous les cas jouer Ouais. sur ton type de peau. Je crois que la pollution aussi pour la peau grasse, c'est pas... Enfin, pour toutes les peaux dans Ouais, tous les t'as cas, mais raison. pour la peau grasse, je crois que c'est pas super. Et je réfléchis, mais là, non, j'en vois pas d'autres comme ça, là. Alors, je rebondis sur ce que tu as dit. Déjà, l'alimentation, oui, et je réponds à Marine pour tout à l'heure. On avait parlé pour les cheveux, et c'est le cas aussi pour la peau du visage. Tout ce qui est graisse saturée, ça va être plutôt néfaste, enfin, ça va plutôt contribuer à créer plus de sébum et du coup à avoir la peau plus grasse. Pour ce qui est pollution, en fait, la pollution, comme c'est des molécules qui vont se fixer sur ton visage, ça va un petit peu asphyxier Ouais. la peau de ton visage, la peau en général. Et du coup, le problème, c'est que quand une peau grasse se sent asphyxiée, bah, elle continue à produire son sébum et il va un peu s'accumuler. Tant qu'il n'est pas nettoyé, il va du coup peut-être s'infecter, tu vois. Et du coup, il y a OK, des d'accord. boutons ou les pores, les Ouais. points noirs, c'est quand il y a un excès de sébum qui n'a pas été retiré. C'est pour ça que c'est vraiment OK. primordial quand vous avez une Ah peau ben, le mixte à visage. grasse notamment, de bien nettoyer, Ouais. démaquiller sa peau. On J'ai a entendu aussi aussi le que la tabac. transpiration, du coup, ça faisait... Ah, pardon, je t'ai coupé Ah oui, encore. alors la transpiration, oh, t'inquiète, on est dans un échange Oui. libre. je ne me vexerai pas. Non, bref, Oui. du coup, la transpiration, bah, tu sais, la transpiration, dans le film hydrolipidique, ça fait partie de... C'est l'eau, donc on Ouais. en a naturellement Oui, de c'est toute vrai façon. que Hein. oui, c'est vrai. Mais je sais que les personnes qui font Mais... beaucoup de sport, enfin, Ouais. ont tendance à, enfin, on m'avait dit ça, que les gens qui font beaucoup de Ouais. sport ont tendance à avoir plus de boutons, parce que du coup, ça peut un peu boucher les pores et puis amener des saletés, quoi. Donc voilà, j'avais D'accord. entendu ça, Alors, bah, mais je sais ça, pas si c'est franchement, vrai. je me renseignerai et comme ça, Ok. j'en parlerai au prochain live parce que là, Ok. je connais pas du tout. Je ne sais Ouais, pas. bon, je dis peut-être n'importe quoi, mais j'avais entendu ça. Non, mais c'est intéressant parce que s'il y a des idées reçues et tout, autant Ouais. qu'on les décrypte ensemble. Ouais, c'est Un clair. autre point, du coup, c'est le tabac. Est-ce que Ah, d'accord. tu le savais, ça? Le Non, je tabac, savais pas ça du peut tout. plutôt avoir tendance à susciter plus de production de sébum. On a la Ah non, fatigue franchement, ça. aussi, les Ok. hormones peuvent jouer, Ah oui. le stress Oui, et c'est vrai, les donc un hormones. mauvais nettoyage ou trop de gommage abrasif, ça, on l'a déjà Ouais. dit. Ok. On continue notre question 8. Du coup, la peau grasse marque plus que la peau sèche. Vrai ou faux, Léa? Ah, j'aurais dit faux. Je pense qu'une peau Est-ce que sèche, ça peut plus quelqu'un vite veut se s'irriter, mais je sais pas. lancer? Mmh. Parce que comme on a dit quand même que le sébum faisait quand même une couche de protection, je me dis que Mmh. ça doit... Enfin, une couche de Est-ce que protection. quelqu'un... Alors, est-ce que tu peux le jouer, s'il te plaît? Je Ouais, prends... pas de soucis. Moi, je dirais faux Merci. aussi parce que Léa a toujours raison, apparemment. Une petite rigolade, c'est ma cette Mathilde. Elle n'est pas douée Ouais. en maquillage apparemment et elle fait Ouais, beaucoup de jeunes cosmétiques c'est toute ça. l'année. Mais du coup, ouais, bah bien vu parce que ouais, c'est ça. Le sébum dans le film hydrolipidique permet une protection de la peau et du coup, elle marquera moins en effet. Bien joué pour cette question 8. C'est un bon point à nouveau. Nous avons actuellement 10 auditeurs live pour information. Super. 9e question. Il y en a 12 au total. Le OK. soleil graisse la peau via les rayons qui en fait vont stimuler les glandes sébacées qui produisent du coup le sébum. Ah. Vrai ou faux, Léa? Le soleil graisse la peau via les rayons qui vont stimuler les glandes sébacées qui produiront du coup du sébum. Ah, je sais pas parce que c'est vrai que j'ai remarqué que l'été, j'avais plus tendance à avoir la peau grasse, mais je sais pas si c'est avec la chaleur ou le soleil en lui-même. Allez, je vais dire vrai. Est-ce que Juliette a le Moi, même je avis? dirais vrai. En tout cas, je Mathilde? suis très contente parce que je vois que au fur et à mesure des lives, le temps d'écoute est de plus en plus long. Donc, on peut encore plus partager de choses et J'en suis ravie. Eh ben super. Mathilde fidèle pour ce troisième live, je le rappelle, de beauté imaginée. Ouais. Du coup, tu as dit vrai, c'est ça? Et Juliette a dit vrai également. Eh Ouais, bien, c'est je suis ça. navrée, c'est ta Oh première mauvaise non. réponse. C'est faux. En fait, le soleil, J'aurais il bien aimé va faire un faux faute. assécher. Ouais, peut-être une prochaine fois. Mais c'est pas mal pour le moment. Le soleil va assécher temporairement la peau. Sauf que le problème, c'est qu'il va aussi l'épaissir. Donc, il y aura plus de sébum qui va sortir après coup, une fois que ton Oui. bronzage s'estompe. Oui. Oui, ben c'est vrai que j'en T'avais avais noté, remarqué on a ça? vraiment moins de moins de, bah, je brille plus, Oui. mais j'ai moins de, mais je pense que Ouais. c'est la chaleur et puis le reflet, etc. Mais je brille plus, mais j'ai beaucoup moins de boutons. Et après, une fois que je rentre de vacances, c'est horrible, quoi. Tout ressort, c'est. Ah ouais. Bah Ouais. alors ouais, c'est un piège. En fait, ce qu'il faut savoir avec le bronzage, c'est que nous, on appelle ça bronzage, on a transformé ça en mode tendance d'avoir un teint hâlé, mais de base, c'est juste une protection de la peau pour pas se faire brûler par les UV. Donc, il y a un double mécanisme dans ce cas-là. La peau, à la fois, elle va changer de couleur pour que la mélanine plus foncée capte les rayons UV que ça n'atteigne pas les cellules plus profondes qui sont fragiles. Et l'autre mécanisme, c'est que la peau va s'épaissir. L'épiderme, qui est donc à la surface de la peau, la couche la plus à l'extérieur de notre peau, cet épiderme va s'épaissir face aux rayons UV pour que ça Ok. soit plus difficile que le rayon atteigne les fameuses cellules qui sont plus en profondeur et qui sont trop fragiles. Et le problème, c'est que quand le sébum, qui lui continue à être quand même un petit peu produit, doit passer les différentes couches trop nombreuses de l'épiderme, et ben, il va s'accumuler. Et à la fin, quand ça se réduira en épaisseur, il y aura énormément de sébum prêt à ressortir. Ok, d'accord. Bon bah. Donc, c'est Ouais. cool temporairement, mais il faut Ouais, c'est continuer ça. à bien hydrater sa peau, à ne pas utiliser de produits trop abrasifs, etc., pour Ouais, un c'est peu ça. limiter cet effet. Donc, dixième question, Léa. Utiliser du coton quand on a une peau grasse, c'est idéal pour, tu vois, pour appliquer, je veux dire, un produit. Le Ah. coton, c'est le produit idéal. À la place d'une serviette, tu voudrais dire, pour Par exemple, ouais, démaquiller? Ouais. un gant de toilette. Ouais. Allez, je vais dire vrai. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Là, je fais vraiment au pif parce que je sais pas. J'en ai aucune idée. Ah. Juliette. Moi, je pense que c'est faux. Mathilde. Moi, je dirais faux. À mon avis, le coton, il doit y avoir des produits chimiques dedans, peut-être. Et je pense que ça doit un peu irriter, non? Ah, peut-être. Bien joué Juliette et Mathilde, et Mathilde Ah. particulièrement. En fait, dans le coton naturellement, c'est pas blanc comme on nous le vend. Ce serait plutôt marron. Et pour que ça ait une dimension un peu plus pure, marketingement parlant, ce qui n'est pas très français, mais voilà. Et ben, on va plutôt le rendre blanc avec du chlore. Et le chlore, Ah. c'est agressif. C'est fou, hein? OK. Même, tu vois, le Ah ouais, coton je qu'on peut savais pas ça. utiliser pour changer les bébés, etc., c'est toujours blanc. Ouais. C'est assez Ah, rare, je savais pas ça. même les cotons bio, ils sont blancs. C'est assez rare D'accord. qu'on trouve du coton naturellement marron, mais ça existe quand même, Ouais. hein, vous pouvez vous en procurer. Du coup, OK. on va conseiller pour une Et peau t'as grasse déjà plutôt essayé, toi? des... Non, jamais encore. Non, Mais par OK. contre, l'alternative aussi, c'est d'utiliser tout ce qui est un peu plus non jetable, tu sais, lingettes Oui. non jetables, etc. Oui, du coup, c'est pas Là, du ça vrai peut aider coton. à ça. Ouais, voilà, OK. exactement. Alors, petite Et intervention les de Juliette et cotons Mathilde. réutilisables, est-ce Ah, que ça voilà, a le c'est même mieux. effet? Du coup, c'est pas du. Enfin, ça va. Vu qu'on va le nettoyer, etc., a priori, le chlore va un petit peu se dissiper. Il est plus présent. En tout cas, Léa Carbo répond mieux à ces questions-là qu'à celle de sa filière en gestion. Oh. Bah, reconversion Là là, possible. Tu pourras gérer. méchante ce soir. Mais parfois drôle, mais méchante. Ouais, rarement, Alors, en onzième mais question, avant-dernière. ouais. La peau est plus grasse pendant les règles. Ah, On parlait d'hormones tout à l'heure. ouais. Bah, grâce, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y en a, genre, il y a plus tendance à avoir de boutons. Mais du coup, je pense que ça va un petit peu ensemble. Donc ouais, j'aurais dit oui. Est-ce que je peux te laisser jouer les commentaires, s'il te Ouais. plaît, Léa? Merci. Alors, il y a Mathilde. Je précise que je suis en train de faire le l'essai d'anglais de madame. Oh, oh. C'est pas Bah, joli joli de nous dévoiler il ça. fallait bien pour que je puisse venir au live. J'avais tellement envie d'y participer que fallait bien que Merci de ce sacrifice, Léa. J'espère que je vous aurez une bonne note. J'espère aussi. Et alors, il y a Juliette ensuite. Moi, je pense que oui, parce que il se passe tellement de merde pendant les règles que pourquoi pas. Oui, c'est vrai. Alors, il y a deux notes vocales de Mathilde. Alors oui, pour moi, c'est vrai parce que j'ai remarqué que à l'approche de mes règles, d'ailleurs, c'est un des indicateurs, étant donné que je ne suis pas, comment on dit, je suis pas C'est pas bien régulier. régulier, on va dire. Pas réglé. Je pense que c'est vrai. Bah oui, t'as raison, ça fait 4 jours que tu as la possibilité de le faire. En plus, t'es en vacances là, contrairement à moi. Oh là là, c'est un règlement de compte. Bon, bref. Ouais, Alors du vraiment. coup, la peau est-elle plus grasse pendant les règles? Eh bien, c'est faux. Il y a bien une incidence sur le cycle, mais en fait, la peau est plus grasse juste après l'ovulation. C'est là qu'il y a le plus de sébum produit. En fait, quand l'ovulation se termine, le taux d'œstrogène, pour rentrer dans les détails scientifiques, va chuter, pendant que ceux de la progestérone et de la testostérone vont augmenter. Et ces hormones, appelées androgènes, entraînent une production accrue de sébum et donc une peau plus grasse. Ah ok, d'accord. Ah, je Donc, pensais c'est vraiment que juste c'était après le... l'ovulation. Ok. L'ovulation qui intervient 14 jours avant les règles. Du coup. D'accord, ok. Ok, bon bah, Dernière on s'est question, trompé. Léa. Oui, Ouais. là, mince, c'est un peu plus dur sur la fin. Dernière question. Le port du masque quand on a une peau grasse peut augmenter la sécrétion de sébum à cause des frottements. Vrai ou faux? Alors, j'aurais dit vrai. Et si c'est faux, je comprends pas parce que je l'ai vraiment remarqué pour le coup. Mais ouais, je dirais vrai parce que moi en ce moment, ma peau est catastrophique au niveau de l'endroit où je mets le masque, comparé à avant en tout cas. Donc D'accord. je pense que ça a un impact. Ah, je suis Qu'est-ce que nous quasiment propose sûre que Juliette? oui. Et Alors, Mathilde? moi, je pense que le port du masque augmente les boutons, mais je pense que c'est parce que, à cause de l'humidité ou quelque chose comme ça, mais je pense pas. Je pense pas que ce soit à cause des frottements, mais c'est possible aussi. Bah, vu que Et ça Marine? augmente Moi, la j'aurais dit peau, je vrai me suis aussi, dit. mais est-ce que c'est à cause des frottements ou est-ce que c'est parce que elle respire pas vu qu'elle est enfermée dans le masque et donc les pores en souffrent? Ah oui. Alors, en effet, c'est vrai. J'interromps le suspense. Donc, bien joué, vous avez tous, toutes dit vrai. En fait, déjà, le masque est occlusif. Donc, oui, les petits boutons peuvent apparaître à ce moment-là. C'est parce qu'une fois que le sébum est sécrété, il reste, il ne peut pas s'évaporer, entre guillemets. Enfin, il est vraiment bloqué sous le masque. Donc, du coup, ça va un peu s'infecter, ce sébum-là. Et c'est là que un bouton apparaît, en fait, quand un sébum s'infecte. Et un point noir aussi peut apparaître, parce qu'un point noir, c'est un excédent de sébum aussi. L'astuce, c'est vraiment de bien nettoyer sa peau avec un démaquillant doux le soir pour retirer l'excédent de sébum sans que la peau ne se sente agressée, hein. Je rappelle que s'il y a une chose à retenir avec votre peau mixte ou grasse, c'est de ne pas agresser votre peau en la décapant, en utilisant des produits trop abrasifs. Il faut y aller en douceur. C'est le paradoxe, c'est un cercle vicieux si vous essayez de trop retirer le côté un peu brillant, etc. Et les points noirs, etc. Donc, il faut y aller en douceur avec la peau mixte à grasse. Et le fait, du coup, de nettoyer, ça permet que la peau puisse à nouveau réaliser des échanges avec l'air extérieur, sans être saturée par le sébum accumulé. Et c'est important pour la peau de toujours, enfin, pour les cellules qui constituent l'épiderme et tout, de toujours être en contact avec l'air. Enfin, c'est naturel, c'est comme ça que ça fonctionne. Et quand c'est bloqué par du sébum accumulé dans tous les pores, et bien là, c'est là que ça cause boutons et brillance et tout. Et sinon, les D'accord. éventuelles bactéries, du coup, qui sont posées sur la peau, elles vont être comme ça retirées par le nettoyant. Ça va éviter qu'elles ne prolifèrent. Ok, Parce d'accord. qu'en fait, trop de bactéries sous le masque, elles prolifèrent du coup si on ne nettoie pas assez bien sa peau. Et là, ça crée à nouveau un petit bouton. Bon, bah, D'accord. tout ça pour dire que nous avons un joli score tout de même, 3 fautes seulement, Super. ce qui nous fait, si je ne me trompe pas, 9 sur 12. Bravo, Léa. Super. Et Ça va moi. bah oui, tu peux. C'est bientôt la fin de notre live stéréo Beauté Imaginée. Chers auditeurs, si vous avez quelques questions pour finir, c'est le moment. En tout cas, pour toi, Léa, j'ai 2 dernières questions comme d'habitude. Déjà, Ouais. je voudrais savoir quel thème tu aimerais que j'aborde, pourquoi pas, avec le prochain invité. Est-ce qu'il y a Ok. quelque chose dont tu aimerais que l'on parle? Bah, on a parlé d'un truc tout à l'heure. C'était l'impact de l'hygiène de vie sur la peau et la beauté Ouais, en général. Et d'accord. ouais, je pense que ça serait sympa. Marine en avait parlé dans une note audio là. Je pense que ça pourrait être sympa D'accord. d'approfondir le sujet. Voilà. Ok, génial. Bah alors, Je sais pas qui Alexandre, si sera tu nous le ou la écoutes, prochaine. c'est Alexandre qui sera Celui mon qui m'a prochain draguée tout à invité l'heure, si je comprends mardi. Exactement. bien. Donc, du coup, voilà Alexandre, la réponse de Léa. Tu Bah, je auras serai ce là pour thème-là, donc tout écouter. ce qui est. Ah bah, parfait. Oh, déjà, une belle relation qui commence, d'écoute mutuelle, c'est beau. C'est Du ça. coup, on s'intéressera à l'hygiène de vie finalement en lien avec la beauté. C'est hyper intéressant. Ouais. Top. Qu'est-ce que nous demande Alice, Juliette? j'ai une petite question. Est-ce que tu aurais une petite astuce contre les points noirs? Bah, du coup, voilà, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que plus on va retirer les points noirs avec les doigts notamment, plus on va infecter la zone et pire ce sera. Donc, le mieux, c'est quand même de faire, pourquoi pas, des sons-visage en institut parce que là, la professionnelle, l'esthéticienne va utiliser d'abord de la vapeur d'eau, pourquoi pas, pour que les peaux soient dilatées et que quand elle les retire avec des gants bien nettoyés, ça ne laisse pas de bactéries rentrer et ça ne fasse pas de marque ensuite. Ensuite, je pense que le produit que nous a cité Léa peut être vraiment intéressant aussi pour les points noirs, à mon avis, vu que ça a l'air d'avoir une action un peu astringente, désinfectante. Donc voilà, Ah ouais, j'ai ça peut jamais pourquoi essayé sur les pas. points noirs. Ah ouais, bah, a priori, À comme tester. ça reste un excédent de sébum, etc. Ça, Ouais. je pense que ça peut être Ouais, c'est positif vrai. à vérifier. Et voilà, l'idée, c'est de nettoyer sa peau, mais de ne pas l'agresser plus que ça. On a aussi tout ce qui est patch, vous savez, les patchs Ah qu'on oui. va coller sur le nez notamment et qui vont aider à retirer l'excédent de sébum qui est transformé en point noir. Ça peut être bien, c'est assez ponctuel hein, quand même. C'est plus avant un événement, par exemple, on veut que ça soit bien lisse. Et ouais, après, suivre bien son gommage d'un masque à l'argile, pourquoi pas, pour resserrer les pores ensuite. Ça peut être bien pour pas qu'il se réengorge de sébum, etc. D'accord. Merci Juliette pour cette question. Et donc, dernière question, Léa. Ouais. Est-ce que, du coup, tu aurais peut-être eu un mécanisme scientifique, un mécanisme de cosmétique que tu aimerais que j'explique dans ma belle minute scientifique la semaine prochaine? Attends, tu peux me reposer la question, s'il te plaît, j'ai En pas tout fait, tu compris. sais, dans la rubrique, la belle minute scientifique, j'explique un Ouais. mécanisme, soit, Ok. soit de, enfin, un peu de façon scientifique, du coup. Est-ce qu'il y a quelque Bon. chose que tu aimerais mieux comprendre, pourquoi pas, dans, tu vois, un fonctionnement d'un projet en particulier, ou c'est vraiment, est-ce qu'il y a quelque chose, voilà, c'est Ah libre. bah alors, si vous parlez de l'hygiène de vie, enfin l'alimentation, etc. Ouais. Dans la beauté, j'aimerais bien savoir pourquoi j'ai des petites traces blanches sur les ongles, des sortes de petites traces blanches D'accord. sur les ongles. Je sais pas si ça rentre dans le Oui, je thème, vois. mais Ouais, ouais. pourquoi pas. Ok. D'accord. Eh bah, ben, j'essaierai Bien. de me renseigner sur ça. Merci beaucoup Ok, Léa, en tout cas, super. d'avoir été avec moi. Merci d'avoir imaginé la beauté avec moi et d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci, chers auditeurs, d'avoir Merci à toi, imaginé de Alice. votre côté Léa. Avec plaisir, eh bien, j'espère que vous aurez appris des choses et nous finissons avec Mathilde, notre auditrice la plus active de la soirée. Si je me souviens bien, au premier live, on avait répondu à cette question. Je sais plus Ah, on vraiment l'avait pourquoi évoqué. c'était, mais en tout cas, c'était pas le calcium. Exactement. On avait dit Ah, que mais c'était oui, pas le c'est vrai, calcium c'est dans vrai. notre vrai faux. Mais C'est vrai. après, j'avais pas donné l'explication T'es pas concrète, rentré dans donc les j'essaierai de détails. voir s'il y a vraiment une étude qui explique à quoi c'est dû plus précisément. Ok. Je pense que ça peut Ok, être vraiment super. intéressant. Merci tout le Super. monde. À bientôt dans Beauté Imaginée. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous avez des questions ou envie de participer. Merci pour ce live, c'était très intéressant et pour une fois une invitée qui a la bonne réponse aux questions. Mais non, Juliette et Mathilde, mes deux premières invitées, c'était très bien aussi, on a pu échanger. Mais Mais c'est vrai que oui. là, bien joué Léa. Allez, salut Super, tout le monde, bah, à bientôt, sinon on à t'aime beaucoup mardi avec Alice. Alexandre, du coup. Ah, super. Ok, bon, bah, on sera là pour écouter. Bonne soirée. Bonne soirée.